Bribes, deuxième reprise. Dieu s'amusait beaucoup avec nous, puis Dieu se lassait et nous oubliait. Des cailloux. Ils lui tombent dessus comme de la pluie. Il les regarde prendre leur envol dans le ciel, puis rebondir contre son corps. À en juger par ce souvenir, les cailloux ne manquent pas là où ils se trouvent. Le sol est un mélange de briques, de tuiles et de verre cassé. Ça et là, quelques pans de façade tiennent à peine debout, avec des trous béants à la place des fenêtres. Il se rappelle la silhouette d'une grue de chantier dans le lointain, le passage d'une guerre. Des hommes reconstruisent ce que d'autres hommes ont détruit. Où est le mur au dessin? Où est la chambre? Où est Dieu? Il oblige sa mémoire à retracer la trajectoire inverse des cailloux depuis l'impact sur son corps en remontant par l'arc de cercle dans le ciel pour arriver au point d'origine. Des mioches. Ils sont quatre au milieu des décombres. Rectification. Ils sont cinq. Une fillette pleure par terre. Ils sont tous mal peignés et mal habillés. Leur ressemble-t-il? Non. Maintenant qu'il y songe, il se rappelle ses vêtements impeccables, ses longs cheveux bien nattés et ses mains d'une blancheur éclatante. Il est aussi propre qu'ils sont sales. Les mioches lui crient des mots qu'il ne comprend pas. Plus il se concentre sur ce souvenir, plus il se rappelle à quel point ils lui ont paru bizarres, ces mioches, lorsqu'il les a vues la première fois. Ils sont si petits, si raides, si fragiles, extrêmement fragiles. La fillette qui pleure par terre, ça lui revient à présent. C'est sa faute à lui. Il n'a pas voulu lui faire mal, il ne l'a même pas touchée. Il s'est juste approché d'elle pour la regarder par simple curiosité et elle a éclaté en sanglots. Les cailloux, c'est probablement à cause de ça. Les mioches veulent l'éloigner de la fillette. Il songe que ce souvenir-là ne présente pas grand intérêt lorsque, soudain, Artémis surgit dans la scène. Cette fois, elle n'a plus rien d'un œil au fond d'un trou. Ses cheveux roux sont tellement volumineux qu'ils ne laissent rien voir d'autre d'elle que des souliers vernis, des dentelles de robe et une paire de lunettes à monture dorée. Elle marche calmement sur les débris en direction des mioches. Ils ont cessé de jeter des cailloux saisis par cette apparition, mais ils sont sur leur garde. Artémis s'accroupit près de la fillette. Elles sont toutes les deux des enfants, mais la première est aussi grande, aussi flamboyante, aussi élégante que la seconde est petite, crasseuse et misérable. Artémis essuie ses larmes d'un geste ferme, dénué de tendresse. Quand elle est certaine d'avoir toute son attention, elle déroule un ruban de ses cheveux et lui donne vie. Les mioches ouvrent aussitôt des yeux fascinés et poussent des cris émerveillés. Artémis leur en fait cadeau. Puis ils détalent comme des lapins, en baragouinant dans leur langue bizarre. Lui, il s'est contenté d'observer la scène de loin. Il se sent en faute et sa culpabilité s'accroît quand Artémis vient vers lui. Les briques forment un chemin sous ses pieds au fur et à mesure qu'elle avance. « Tu dois y mettre un peu du tien. Nous ne sommes pas comme eux, Odin. » « Odin ? C'est donc ainsi qu'il s'appelait autrefois ? Ce souvenir n'aura pas été complètement inutile en fin de compte. « Non, » s'entend-il répondre. « C'est eux qui ne sont pas comme nous. Je veux rentrer à la maison. »« Tu ne peux pas. »« De quoi nous punit-on? D'abord on nous sépare, maintenant on nous abandonne. » Artémis décroche ses lunettes et il aperçoit ce que sera un jour son visage, une beauté masculine. « Il faut toujours que tu dramatises, » ajouta-t-elle avec son calme imperturbable. « Nous devons nous mêler aux hommes, comprendre leur fonctionnement. C'est moins passionnant que les étoiles, mais c'est instructif quand même. Vois-le comme un nouveau défi. C'est d'ailleurs la dernière fois que je t'aide, Odin. Il faut que tu apprennes tout seul à t'entendre avec les hommes. » « Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. » « Apprends-leur notre langue. » « Ils pleurnichent dès que je m'approche. » Maîtrise ton pouvoir. Pourquoi devrais-je, moi, fournir des efforts? Artémis fronce imperceptiblement ses sourcils roux et éloigne à nouveau ses lunettes de ses yeux. Elles ne sont plus adaptées. Tu as remarqué comme nos corps changent vite. J'ai hâte d'être arrivée à la fin de ma croissance. Les petites robes de dentelle, ce n'est définitivement pas pour moi. Pourquoi ? S'entend-il insister. Pourquoi devrait-on toujours obéir aux ordres ? Artémis posa soudain sur lui un regard grave, plonge sa main dans les méandres de ses cheveux et en sort un livre de chair. Parce que c'est écrit. Le souvenir s'achève ici. Nota bene. Celle tes charmes. Qui a prononcé ces paroles? Et que signifie-t-elle?